Dossier 3. Écoutez des messages d'accueil sur des serveurs vocaux. Situation 1. Je me renseigne pour un visa et des cours de français. Bonjour. Vous êtes bien en communication avec l'ambassade de France.